autre support que sa main. Tendu venant tout droit vers moi, je le voudrais bien. Je sens encore une fois sentir son corps tout contre moi. Je m'étendrai là à ses côtés comme je le vois. En pleine nuit, oui, je songe ici, je n'ai pas sommeil. Comme une insomnie qui me blottit, je me sens peut-être. Je demeure ainsi, ne réagis, j'ai perdu mon éveil. Délaissé, je suis, me sens affaibli, je n'ai plus d'orgueil. Je les entends. Semblant de ne pouvoir l'apercevoir.